Les nouveautés à la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. Les loups, de Sophie de Rasp, en français. D'habitude, on n'a personne l'hiver. Tu viens faire quoi ici? Je vais me reposer. C'est tranquille, hein? Les gens sont partis à la pêche. Le printemps, c'est la chasse. La pêche, la paix. La fille à ton motel. J'aimerais ça aller en mer, puis connaître un peu le monde ici. T'as jamais mangé ça, du loup marin? Non. Allez, fine. Mignonne, tu veux dire? Haroud. C'est une informatrice. Ici en mission, c'est clair. Il n'est pas la première journaliste qui vient ici pour nous juger. Je suis pas journaliste. Tu devrais t'intéresser au chalutier qui rentre les fonds marins. Ça, ça, c'est un vrai problème. Mais pas un cri, cette fille-là. Qu'est-ce que tu penses, sérieuse de même? Je me demandais qui je serais si j'avais grandi ici. La leçon, de François Girard, en anglais avec sous-titres français. 1 minute late. 3 minutes late. Your watch is slow. We have with us today one of the world's finest youth choirs. Steph, come with me. They're going to audition you. Are we an academy for elite singers or some weird cat rescue mission? Let's just hear them. You can't sing, right? Yeah. You flat? What? Just squeaking a shoe. This is the premier boy choir school in the nation. We are like rock stars. Just keep up on the music. Me up front, you supporting. The boy cannot read music. He needs help. He needs Corvell as his teacher. He has neither the desire nor discipline. Stetson, were you by chance using my sound system? How dare you squander your talent? Music means nothing to you. Quitting is all you know. I won't quit. We're gonna be giving the biggest concert in the school's history. We're gonna fall on our asses in front of the whole world. Instead has the voice. With him, we can sing anywhere. Your clock is ticking, kid. Your clock is ticking too, old man. Put everything you are into it. You can't do this. You're doing all right, Steph. You just keep going. You all are gonna knock it out of the ballpark. Don't forget to smile. I want your boys to shatter the stained glass windows. Some of you become altos, some of you become baritones, some of you become dentists. This isn't about music. It's about you. Marie Noni, de Tony Girardin, en français et en anglais avec sous-titres français. Prêt? Il mio amico Giuseppe sta cercando di battere un record del mondo. Alors, tout ça, c'est amour. vrai spectacle de la nature. You're beyond the limits that you would normally go. And at the end, close to death. Si je meurs en faisant le record de l'heure, ça va être... Le prix à payer, de Harold Crux, en anglais avec sous-titre français. Does Apple Inc. own directly or indirectly AOI, AOE and ASI? Yes. And where is AOI a tax resident? It does not have a tax residency. You know, we're talking about 10 to 15% of the world's financial wealth basically being invested offshore beyond the reach of tax authorities. Can you tell me how many subsidiary companies of your group are incorporated and operating in the Cayman Islands? I don't have that number with me either. You have 181. There are $1.6 trillion booked to Cayman Islands banks. Almost none of that is actually in Cayman. What's different about Google, we're not selling books and we're not making You're coffee. Selling advertising. The consumers are based on the computer science. That is what creates the economic value for what Google. What does Bermuda create? Kodak had hundreds of thousands of employees, really good, solid, middle-class jobs. The new world of photography is Instagram, which had 13 employees and sold for $1 billion to Facebook. We are the 99%! We are the 99%! People used to, in their positions, use that money to invest in our country, to invest in people, and they're not doing it anymore. It's not normal to want to hoard all that money. And the people in this country need it. We pay all the tax you require us to pay in the UK. We paid $6 billion of tax last year. We're not accusing you of being illegal. We're accusing you of being immoral. Prison 101, de Ethan Cohen. En français et en anglais. C'est la voiture de Monsieur King. C'est le proprio de l'immeuble, on pourrait s'appliquer un peu. Ah, j'ai presque pas d'argent comptant. J'ai seulement $9,000. Ce sont vos clés. J'aurais réagi de la même façon si vous aviez été blanc. Content de le savoir. Buenos días, Cecilio. L'eau laisse des marques. Le client va sûrement les voir. Fais chier. Faut relaver le toit. James King, ouais. On vous arrête pour fraude et détournement de fonds. Je suis persuadé que notre système de justice me déclarera non coupable. Je vous condamne à une peine de 10 ans dans une prison à sécurité maximale. Est-ce qu'il a dit 10 ans? Ma vie est ruinée. Dans 30 jours, on m'envoie en prison. De nos jours, la prison, c'est pas si dangereux. Bien sûr que oui, merde. Enseignez-moi comment survivre en prison comme vous l'avez fait. Non, vous savez que j'ai fait de la prison. Considérant votre statut économique précaire, quoi? Votre flagrant manque d'éducation supérieure... Mon manque de... Okay. Statistiquement, ça va de soi que vous avez fait de la prison. On se voit demain, détenu. Allô? T'es prêt, Blanche-Neige? Du poivre de Cayenne PD. On commence ton éducation. J'apprends tellement, c'est de ça dont j'avais besoin. Comment c'est Thomas-t-il pu croire que t'as déjà fait de la prison? J'ai la peau noire! T'es pas exactement un truand, Darnell. Tout ce que j'ai à faire, c'est baisser le ton de ma voix. Je vais me contenter de te dire bonne nuit. Pétasse, reviens, j'ai pas fini! Comment est-ce que tu m'as appelé? C'est quoi ton problème, juste? Arrête! Mais t'es folle ou quoi? C'est mon cours de préparation à la prison. Si t'acquiers ces compétences, tu survivras en prison. Ton regard le plus méchant ressemble à quoi? Mon regard méchant? Fais-moi tes yeux, tiens, enragé. Qu'est-ce que tu fous, James? Un air de chien battu. Tu crois que cette stratégie pourrait fonctionner? Pitié, m'agressez pas sexuellement, je suis déjà malheureux. I go hard when they survive, never decease. C'est même plus ta maison maintenant. On est à San Quentin, là. T'es dans la mauvaise partie de la cour, petit blanc. Tu t'es perdu, c'est ça? Je suis plutôt confus. Retourne à ta place de blanc. Je sais pas où est ma place. Je c'est sais où pas. Est ta place? Ta place est auprès de moi? Je crois pas, non. Ça prend des couilles pour faire ça. J'ai d'énormes couilles. En tant qu'expert en incarcération, c'est mon travail de te préparer à tout. On va simuler une émeute en prison cette fois. C'était intense, hein? En fait, je me sens bien. Oh! Quoi? Faut y aller, Maillot. C'est qui, Maillot? C'est comme ça qu'on me surnomme dans le gang, c'est le diminutif de mayonnaise. En route, de Tim Johnson, en français 3D et en anglais. L'univers, c'est plutôt grand. Le plus drôle, c'est que chaque créature qui y vit occupe son propre petit monde. Prenez Tiff, par exemple. Une fille comme les autres, avec une mère qui l'aime, et un chat nommé Porky.